Parfait, j'ai bu mon appareil. Bon, bonjour tout le monde, bienvenue à la conférence de presse qui marque la finale de la Coupe d'Unsmore, 5e de suite pour le Rouge et Or. Avant de débuter, on va rapidement présenter les joueurs Budweiser du dernier match. Et ensuite, on va poursuivre. À l'offensive, sans surprise, Pierre-Luc Yao. Ici, malheureusement. En défensive, c'est aussi le joueur nominé pour le trophée du président de notre conférence, Éric Maranda. Je n'ai pas volé de punch. Non, tu vois. C'est remarqué. Et pour les unités spéciales, pour la 4e fois cette année, qu'on a fait un gros travail de couverture qui est encore plus important dans les séries, Guillaume Sénécal. Merci beaucoup. Guillaume, Éric Maranda et Dwayne Jones sont ici pour disponibles après le point de presse. Donc, je vous laisse poursuivre le point de presse pour la finale. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue. Dans Dunsmore Cup, c'est la finale provinciale. Gros, je pense que c'est les deux équipes qui devaient s'affronter, s'affrontent. Concordia représente une bonne équipe. Je ne sais pas combien d'années qu'on est en finale contre eux, mais c'est l'équipe qui s'avère, je pense que c'est l'équipe que personnellement, on prévoyait voir là. Donc, on s'attend à un bon match serré. Je pense que Concordia se prépare très, très bien au niveau autant offensif, défensif que sur les unités spéciales. On a un bon défi sur les mains. On parlait un peu de leur offensive, mais de leur défensive. Je pense qu'ils ont un aussi bon front que n'importe qui d'autre au pays. Ils ont des joueurs de grand calibre à toutes les positions, soit la tertiaire, secondaire et ligne défensive. Donc, on s'attend vraiment un bon challenge pour notre offensive. Défensivement, je pense qu'on en aura plein les mains avec un carrière très, très mobile, que Marc va vous en parler. Mais on est conscient je pense qu'il n'y a pas vraiment un plan de match prévisible pour défensive. Parce que, oui, il faut arrêter le sol, mais il y a aussi par la passe. Et quand ça ne marche pas par la passe, il y a le facteur qui est imprévisible, c'est les courses du carrière. Donc, on a un bon défi de ce côté-là. Je pense que pour la première fois, on a un batteur qui peut rivaliser avec celui de Concordia. Et je pense qu'on peut s'attendre à un gros match sur les unités spéciales avec nos batteurs et la couverture de batterie qu'on est choyé d'avoir de ce temps-ci. Donc, je pense que la position de terrain va être importante pour nous. Et je pense qu'on est très satisfait de notre batteur et les couvertures de beauté. Donc, je vais passer la parole à Justin pour l'offensive. Donc, défensivement, les Stingers, une bonne défensive. Ils ont des joueurs, Concordia, vraiment des joueurs, j'aimerais dire des joueurs, mais c'est des joueurs vedettes. Ils ont des gros joueurs à la défensive qui font la différence. Donc, évidemment, on parle de Sammy Hawk-Pro, le numéro 1, est excellent. Il a fait beaucoup de jeux il y a deux semaines contre nous. Le numéro 50, Nathan Agadzi, puis le numéro 8, Corey Greenwood. C'est trois éléments clés de leur défensive. C'est eux autres qui ont fait la majorité des jeux contre nous. Donc, c'est trois joueurs qu'on doit absolument contrôler, qu'on n'a pas toujours bien fait la dernière fois. Donc, c'est très, très important. De plus, on s'attend peut-être au retour du numéro 90, Davis, qui n'a pas joué les deux dernières semaines, qui serait définitivement un bon atout pour eux autres. Là. Je suis sûr qu'ils seraient bien contents de le revoir au centre de la ligne, un des bloqueurs défensifs. Donc, c'est une très bonne défensive. C'est une défensive qui est très, très bien coachée. C'est une défensive qui a des très bons ajustements. C'est une défensive un peu comme toutes les semaines. Il faut être capable d'établir un peu les deux facettes de notre jeu pour tenter de les déstabiliser. Je pense que si on est unidimensionnel contre cette équipe-là, on va avoir des problèmes. Donc, c'est une excellente défensive, c'est un très, très beau challenge. Une défensive également qui aime mettre de la pression. Donc, c'est un élément de plus qu'il fallait se préparer cette semaine, qu'on doit se préparer parce que dans un match, ça va vite. Si tu n'as pas de réponse à la pression, tu es dans le trouble. Donc, ça, il faut avoir des réponses. Donc, on se prépare contre ça. Est-ce que vous avez des questions? On va passer à Marc Fortier en défensive. Pour ce qui est de l'offensive de Concordia, leur gros joueur, c'est certain que c'est leur carrière, Liam Mahoney. Il n'était pas partant au début de la saison, sauf qu'il a pris, étant donné que leur carrière partant s'est blessé, c'est lui qui a pris la relève. Puis on dirait que leur coordinateur à l'attaque avait peut-être un petit peu prévu le coup parce qu'ils se sont adaptés assez vite à son style de jeu. Ils ont rentré beaucoup de jeux d'options avec ce carrière-là qui est extrêmement, il est très, très, très mobile. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dernier match, mais Il nous a fait courir beaucoup, beaucoup. Non seulement que c'est une menace là, sur les jeux au sol, parce qu'il l'implique sur les jeux au sol, mais par la passe, c'est un gars qui, quand les couvertures sont bonnes, bien, qui est capable de prendre le ballon puis de courir avec. Puis c'est là qu'il commence à être dangereux. Parce que, honnêtement, oui, on a rencontré des bons carrières, là, des carrières mobiles là, dans cette saison. Sauf que lui, je vous dirais là, qu'il est. On dirait qu'il a plus d'énergie que les autres, dans le sens qu'il court comme un porteur le ballon. Là. Il est capable de briser les plaqués, il improvise beaucoup. Donc, ça le rend un petit peu plus difficile là, à contenir. Ceci dit, à l'attaque, ça ne se résume pas seulement qu'à lui. Ils ont quand même un bon porteur de ballon, là, le numéro 30, Cédric Ferdinand. Bonne vitesse. Il y a lui, et puis ils ont leur receveur étoile, là, je vous dirais, numéro 81, Corey Watson, un grand joueur. C'est d'ailleurs lui qui a fait le dernier touché là, contre nous la dernière fois qu'on les a joués. Donc, il va falloir être capable de contenir là, un petit peu toutes ces menaces-là, autant le sol que la passe. Puis, ils font vraiment un bon travail là, pour diversifier leur jeu, dans le sens qu'ils ont plusieurs formations. Donc, il va falloir être prêt là, à s'ajuster rapidement au style d'attaque qu'ils vont nous montrer. Donc, encore une fois, on le dit depuis le début de la conférence de presse, mais c'est un bon challenge. Là. On est rendu finale de conférence. Là, c'est certain que c'est une bonne équipe qu'on va affronter. Question? Glavik, c'est différent dans le sens que Glavik était plus relax, disons. Tu sais, dans le sens que lui, il achetait du temps pour lancer dans le field. Mahoney, il est un petit peu plus prime, là, si vous me permettez l'expression, il va partir plus vite. Si sa première lecture n'est pas là, il va décoller, puis il va courir un petit peu plus. Nord-Sud, que Glavik qui courait Est-Ouest, puis qu'après ça, il lançait le ballon à ses receveurs. Donc, c'est différent. Mahoney, faut pas que tu ouvres des brèches trop rapidement quand tu fais ta pression, parce qu'il va le prendre, puis il va gagner des verges. Puis il est très, très, très rapide. Très rapide. Effectivement, mais je pense que c'est pas mal tout le temps ce qu'on essaie de faire en attaque. Je veux dire, moi je crois à ça, je crois à un équilibre quand tu peux te le permettre aussi. Je veux dire, quand c'est sûr qu'il y a des situations parfois que tu peux te retrouver dans une situation où tu es vraiment faible. Ben, nous on pense qu'on est capable de faire les deux, on pense qu'on peut passer le ballon, on pense qu'on peut courir. Il n'y a aucun doute que présentement, je pense que notre attaque au sol va quand même assez bien depuis quelques matchs, donc c'est certain qu'on veut l'utiliser. Mais contre Montréal, on a quand même, au début, je pense qu'on a eu un bon départ, on a mis le ballon dans les airs, donc ça dépend, ça c'est, vous allez voir samedi, donc vous allez voir samedi, mais encore une fois, c'est ça qu'on, j'ose croire que c'est ça qui est dur à défendre, puis, mais effectivement, je pense qu'il faut diversifier, on peut pas tout le temps avoir le même, moi je crois pas que tu peux toujours avoir le même plan, puis c'est important encore une fois, puis je respecte beaucoup qu'est-ce qu'ils font défensivement, je connais... Le coordinateur défensif était avec nous à Team Canada. Je dirais même qu'il a peut-être passé un peu trop de temps avec Glenn, c'est ça qui m'inquiète. Donc, c'est quelqu'un que je connais, que je respecte beaucoup, qui fait du bon travail. Puis je sais qu'ils vont avoir des ajustements spécifiques à qu'est-ce qu'on fait. Donc, nous, il va falloir être en mesure de bien s'ajuster, il n'y a aucun doute. Ça veut dire que tu ne pourras pas les prendre par surprise comme tu as fait avec Montréal avec 6 receveurs de passe, par exemple? Moi, je penserais moins, effectivement. C'est sûr que des matchs de série... encore une fois, on a parlé beaucoup de ça, mais je pense que c'est les joueurs que c'était pas. Tout le monde en a parlé. Même l'autre bord, on dirait que c'était comme s'il n'y avait jamais vu ça. Ça fait des années que j'utilise ces formations-là. C'est juste qu'on les utilisait pas beaucoup, mais à tous les matchs, ils sont tout le temps là quelquefois. C'est juste que là, on a décidé d'en faire une formation de base la semaine passée. Donc on l'a pratiqué beaucoup, mais la réalité, c'est que c'est les joueurs qui ont bien exécuté. Donc, encore une fois, on a un plan cette semaine, puis c'est les joueurs qui vont faire la différence. C'est leur offensive, puis j'ai confiance qu'ils vont bien exécuter. Il y a deux semaines, la façon de les gagner, la façon de nous déranger, là, c'est Ouais, je pense que c'est le processus est important tout le temps. Je pense qu'il faut tant que tu sois exigeant vers les joueurs pour jouer le plus proche de parfait possible, surtout dans les séries. Il ne faut pas se permettre d'erreur, il ne faut pas avoir de relâchement. Il ne devrait pas avoir de relâchement en finale de la conférence. Peu importe le match, peu importe l'adversaire, je pense que les joueurs sont motivés à jouer un bon match et je n'en trouverai pas de relâchement d'aucune manière. Pour Montréal, est-ce que tu considères que c'est un relâchement? Non. Mais qu'est-ce que tu peux écrire? Dis-moi qu'est-ce que tu peux écrire, moi, te dire qu'est-ce que tu peux entendre. Dis-moi-les. On a parlé de ça, parce qu'on n'est pas satisfait de ça, parce qu'il y avait... Il y avait eu un certain relâchement. Quand tu gagnes 28-0 à demi, tu fais des substitutions, tu sors plus que l'été, puis tu as un carrière qui est en feu, interprète-le comme tu veux. Nous, je pense qu'il y a eu certaines choses qu'on n'était pas satisfaits, mais je pense qu'il faut donner un peu de crédit à Concordia, puis comprendre aussi que, comme je t'avais dit jeudi avant de partir, que pour nous, c'était pas de gagner, c'est de gagner, mais la fiche parfaite, c'était pas juste notre c'est pas notre seul but, c'est le processus. Donc pour moi, le processus était quand même bien. Est-ce qu'il est parfait? Non. Est-ce qu'il va être tout le temps parfait? Non. On va chercher la perfection? Oui. Mais à mon avis, c'est pas... Je peux-tu ajouter quelque chose là-dessus? Ça veut dire de quoi? Moi, je vais te dire une chose. Si quelqu'un ici à Québec pense qu'il y a un relâchement la semaine passée, c'est vraiment, vraiment très, très mal connaître notre équipe. Nos joueurs, ils se sont défoncés la semaine passée de A à Z. De A à Z jusqu'au dernier sifflet. C'est un match de foot, c'est un match de foot contre Montréal, c'était émotif. Montréal est revenu dans le match pour toutes sortes de raisons, mais Dieu sait que c'est pas à cause d'un relâchement de nos joueurs, ça je peux vous dire, garantir ça. Puis j'étais extrêmement fier, puis Glenn était extrêmement fier de comment nos joueurs ont performé. Mais c'est un match de foot, des matchs de foot, ça finira pas toujours 56-0. De toute façon, quand c'est 56-0, tout le monde trouve ça trop facile, donc on s'est dit que 28-16 serait plus intéressant. T'sais, dites-vous une chose, c'est il y a un toucher okay, qui résulte d'un long jeu okay, qui aurait pu virer de n'importe quel bord. Okay? Quand tu mets la balle dans les airs et c'est une passe de 45 verges, hey, si notre joueur fait le jeu là-dessus, c'est fini. Okay? On rentre au vestiaire, il n'y a pas de toucher là-dessus. Sur ce jeu-là, notre free safety, quand les ajustements, il se fait une commotion, il ne se souvenait même pas de la couverture qu'il a appelée quand ils ont fait le toucher un petit peu plus tard. Okay? Il y a eu une punition d'appeler dans la zone début qui, à mon avis, ben, hey, il l'appelle, c'est correct. Il l'appelle pas, ça change le match. Okay? Donc, il n'y a pas de toucher. Donc, honnêtement, relâchement, pas relâchement. Moi non plus, je ne considère pas que c'est un relâchement pour commencer. Puis, un moment donné aussi, quand tu as une avance comme ça, qu'est-ce que l'autre équipe va faire? Ben, ils vont mettre la balle dans les airs. Okay? Ils sont battus. On les arrête sur cette série-là. Puis, le score est complètement différent. Puis, on n'en parle pas de relâchement. Donc, honnêtement, on regarde les statistiques. Marco Brouillette, je pense qu'il n'a même pas complété 50% de ses passes, puis ils ont essayé de passer en deuxième demi. Donc, hey! Peut-être que le score aurait pu être différent, là, comme très, très, très facilement. Okay, en tout cas, moi, j'abonde dans le sens de ce que mes confrères disent. Moi, je suis fier de mes joueurs, je suis fier de ce qu'ils ont fait. Encore une fois, ils se sont battus. Puis, si vous les avez vus sortir en première demi, on les a enterrés là. Puis la même chose à Concordia. C'est la même chose. Puis, encore une fois, le dernier touché à Concordia, je peux pas dire que c'est un relâchement. C'est pas une question de relâchement. C'est une longue passe. Ils l'ont complété, d'attitude. Et encore une fois, moi, je vous garantis, dans les situations critiques, on va le faire le jeu. Ça va être fini là. On va sortir avec la victoire, puis d'attitude. On va fermer les livres comme ça. Puis honnêtement, les joueurs cette année ils ont vécu de l'adversité. Ils se défoncent à tous les matchs. Puis ils vont continuer de le faire. Puis encore une fois, en fin de semaine, l'enjeu est grand. C'est la finale de conférence. Hey, moi, j'irai pas dans ce match-là avec aucune autre équipe. Okay? Ceci dit, est-ce que ça va être facile? Non, pas du tout. Il reste juste des bonnes équipes. Moi, je suis content de l'équipe qu'on a, puis je suis certain qu'on va faire le travail avec cette équipe-là. saison. Ça sert un peu là, de motivation encore davantage pour les joueurs qui vont jouer. Toujours, je pense que c'est pour ça qu'ils marquent, qu'ils soulignent sur leur casque ou sur leur tape. Je pense que c'est des bons joueurs qui je pense que t'as une carrière universitaire est courte. Tu fais beaucoup de sacrifices personnels pour ça, que c'est, les gars comprennent que c'est dur sur les, si vous voyez l'état d'âme des gars comme Olivier Turcotte, les tourneaux, des gars comme qui a essayé toute l'année de revenir au jeu. Je pense qu'il essaie de faire l'impossible. Les gars, ils ne comprennent pas encore. Ils t'attendent. Les gars, ils supportent beaucoup. Puis même chose pour des gars comme Joe Liberté, Matt Leblanc, Julian Fioli en fin de semaine. Je pense qu'ils jouent un peu pour eux. C'est une source supplémentaire de motivation. Julian va beaucoup mieux. Je pense que si ce serait. Il est beaucoup, beaucoup mieux. Je pense que sa santé est correcte, sauf que c'est pas. Plus probable qu'il va pouvoir jouer d'ici la fin de l'année. Il y a une très, très mince chance d'avoir l'équipe médicale. Quand tu lui demandes la question, c'est un peu différent, mais Dr. Fioli, ça sent le propre opinion. Julian, recrue de l'année, William, selon vous autres, est-ce que c'est un honneur qui lui revenait là, à 100% ou c'est un peu une décision que vous trouvez un peu mitigée? Je pense que je me suis placé pour répondre parce que vraiment, on a rarement vu un receveur faire aussi bien que ça chez nous dès sa première année. Lian, par contre, est un très très bon choix aussi. Je mitigé parce que je pense que c'est deux très très bons candidats. C'est vrai qu'on aimerait que ce soit un gars de Laval, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais quand tu regardes les films de qu'est-ce que Lian Mahoney fait aussi, je pense qu'il est également méritant de ce trophée-là. Je pense qu'on va mettre un terme au point de presse de groupe. On va passer aux entrevues individuelles. Donc, les joueurs sont disponibles, les entraîneurs également. Merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, j'ai trois petits messages pour vous. 9300 billets sont présentement vendus. C'est incroyable. Peut-être noter aussi que pour la finale, le Chiz va être en direct dès 11h. Alors que souvent, ils sont une demi-heure avant le match. Ils sont une heure avant le match, ils vont être en direct. Et donnant le cas où le Rougeard l'emporte samedi, il n'y aura pas de point de presse la semaine prochaine, vous en doutez. L'équipe sera déjà dans les Maritimes. Merci beaucoup de vous être déplacé. Bonne fin de journée. 9300.